Dans les blocs fissurés, nos pas résonnent. Chaque voix s'élève, chaque souffle donne. Nous parlons clair, jamais en vain. Nos mots gravés dans le chemin. Redskill marche avec ses frères. Des voix multiples brisent les pierres. Unis dans l'ombre, unis dans l'air. Chaque vérité devient lumière. Les murs éteints portent nos cris. Chaque parole éclaire la nuit. Nos voix s'unissent contre l'oubli. Chaque rime forge un nouvel appel. Nous avançons même dans la peine. Nos chants s'élèvent comme des chaînes. La vérité brûle dans nos veines. Chaque mot brise toutes les scènes. We are the echoes in the dark. The rhythm carved in stone. Our thunder, our lullaby. The fire we call. Chaque regard devient témoin. Nos voix s'élancent, tiennent le point. Sous la pluie, nos mots s'enchaînent. Un chant brut coule dans nos veines. Les rues s'effacent, mais nous restons. Des voix soudées, un seul nom. Chaque cri marque une victoire. Chaque silence devient mémoire. We are the echoes in the dark. The rhythm carved in stone. Half thunder, half lullaby. The fire we call our own. Born of silence, carved in flame. Written in scars, in truth. We are writers, skill eternal. And we rise because of you. Nos voix gravées dans le béton. Chaque mot sonne comme un canon. Nous marchons droit même effacés. Un champ d'acier pour exister. Sous les étoiles, nous parlons clair. Chaque souffle en la poussière. Redskill et ses frères unis. Nos voix s'élèvent dans la nuit. We are the echoes in the dark. The rhythm carved in stone. Half thunder, half lullaby. The fire we call our own. Echo through your pain, the heartbeat you can't let go. Half tempest, half lullaby, the song you'll always know. Made of passion, carved in scars, written in blood, in truth. We are right, a skill eternal, and we rise because of you. Nos voix s'élèvent, nos voix persistent. Chaque vérité devient existante, même quand le monde.